L'aube du jour parut. Les voilà remontés sur leurs chevaux et poursuivant leur chemin. Et où allait-il? Voilà la seconde fois que vous me faites cette question, et la seconde fois que je vous réponds. Qu'est-ce que cela vous fait? Si j'entame le sujet de leur voyage, adieu, les amours de Jacques. Ils allèrent quelque temps en silence. Lorsque chacun fut un peu remis de son chagrin, le maître dit à son valet. Eh bien, Jacques, où en étions-nous de tes amours? Nous en étions, je crois, à la déroute de l'armée ennemie. On se sauve, on est poursuivi. Chacun pense à soi. Je reste sur le champ de bataille, enseveli sous le nombre des morts et des blessés, qui fut prodigieux. Le lendemain, on me jeta, avec une douzaine d'autres sur une charrette, pour être conduit à un de nos hôpitaux. Ah, monsieur, je ne crois pas qu'il y ait de blessure plus cruelle que celle du genou. Allons donc, Jacques, tu te moques? Non, pardieu, monsieur, je ne me moque pas. Il y a là, je ne sais combien d'os, de tendons et d'autres choses, qu'ils appellent je ne sais comment. Une espèce de paysan qui les suivait avec une fille qu'il portait en groupe et qui les avait écoutés, prit la parole et dit « Monsieur a raison !» On ne savait à qui ce « monsieur » était adressé. Mais il fut mal pris par Jacques et par son maître. Et Jacques dit à cet interlocuteur indiscret « De quoi te mêles-tu »« Je me mêle de mon métier. Je suis chirurgien à votre service et je vais vous démontrer. » La femme qu'il portait en groupe lui disait « Monsieur le docteur, passons notre chemin et laissons ces messieurs qui n'aiment pas qu'on leur démontre. » « Non, lui répondit le chirurgien, je veux leur démontrer et je leur démontrerai. » Et tout en se retournant pour démontrer, il pousse sa compagne, lui fit perdre l'équilibre et la jette à terre, un pied pris dans le bas de son habit et les cotillons ramassés sur sa tête. Jacques descend, dégage le pied de cette pauvre créature et lui rabaisse ses jupons. Je ne sais s'il commença par rabaisser les jupons ou par dégager le pied, mais à juger de l'état de cette femme par ses cris, elle s'était grièvement blessée. Et le maître de Jacques, disent le chirurgien, voilà ce que c'est que de démontrer. Et le chirurgien, voilà ce que c'est que de ne pas vouloir qu'on démontre. Et Jacques, à la femme tombée ou ramassée, consolez-vous, ma bonne, il n'y a ni de votre faute, ni de la faute de monsieur le docteur, ni de la mienne, ni de celle de mon maître. C'est qu'il était écrit là-haut qu'aujourd'hui, sur ce chemin, à l'heure qu'il est, monsieur le docteur serait un bavard, que mon maître et moi, nous serions deux bourrus, que vous auriez une contusion à la tête et qu'on vous verrait le cul.